إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فتقواه خير زاد وهي نعم العد ليوم المعاد فاتقوا الله حيثما كنتم وقوموا بالأمر الذي من أجله خلقتم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون عباد الله يجد المتبصر في أمور الحياة وشؤون الأحياء يجد فئات من الناس تعيش ألوانا من التعب والشقاء وتنفث صدورها أنواعا من الضجر والشكوى ضجر وشقاء يعصف بالأمان والاطمئنان ويفقد الراحة والسعادة ويتلاشى معه الرضا والسكينة نفوس منغمسة في أضغانها وأحقادها وبؤسها وأنانيتها ويعود المتبصر كرة أخرى ليرى فئات من الناس أخرى قد نعمت بهناء العيش وفوض الخير كريمة على نفوسها كريمة على الناس طيبة القلب سليمة الصدر طليقة المحيا ما الذي فرق بين هذين الفريقين وما الذي بعد بين هذين المتباعدين إنه الإيمان وحلاوة الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من حديث العباس ابن عبد المطلب كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن ثلاثا من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار مخرج في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عباد الله أيها الإخوة في الله ونشوة دونها كل نشوة حلاوة الإيمان حلاوة داخلية في نفس رضية وسكينة قلبية تسري سريان الماء في العود وتجري جريان الدماء في العروق لا أرق ولا قلق ولا ضيق ولا تضييق بل سعة ورحمة ورضا ونعمة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الإيمان بالله هو سكينة النفس وهداية القلب ومنار السالكين وأمل اليائسين وأمان الخائفين ونصرة المجاهدين وهو بشرى المتقين ومنح المحرومين. الإيمان هو أبو الأمل وأخ الشجاعة وقرين الرجاء، إنه ثقة النفس ومجد الأمة وروح الشعوب. وأول منافذ الوصول إلى حلاوة الإيمان وطعم السعادة الرضا بالله عز وجل ربا مدبرا، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، قيوم السماوات والأراضين، خالق الموت والحياة، مسبغ النعم، موجب المضطر إذا دعاه، وكاشف السوء، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سوى الإنسان ونفخ فيه من روحه، أطعمه من جوع وكساه من عري وآمنه من خوف وهداه من الضلالة وعلمه بعد جهالة. إيمان بالله تستسلم معه النفس لربها وتنزع إلى مرضاته وتتجرد عن أهوائها ورغباتها، تعبد سبحانه وترجوه وتخافه وتتبتل إليه، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. رضا بالله ويقين يدفع العبد إلى أن يمد يديه متضرعا مخلصا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومذاق الحلاوة الثاني: الرضا بالإسلام دينا، دين من عند الله أنزله على رسوله ورضيه لعباده، لا يقبل دينا سواه. الإسلام منبع الرضا والضياء ومصدر السعادة والاهتداء. ومذاق الحلاوة الإيمانية الثالث: الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. محمد الناصح الأمين، الرحمة المهداة، والأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام، فلا ينازعه بشر في طاعة ولا يزاحمه أحد في حكم. يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم اهتداء واقتداء، وبسنته استضاءة وعملا. عباد الله، إذا صح الإيمان ووقر في القلب فاض على الحياة، فإذا مشى المؤمن على الأرض مشى سويا، وإذا سار تقيا، ريحانة طيبة الشذا وشامة ساطعة الضياء، حركاته وسكناته إيمانية مستكينة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من ذاق حلاوة الإيمان طاب عيشه وعرف طريقه، ومن عرف طريقه سار على بصيرة، ومن سار على بصيرة نال الرضا وبلغ المنى. نعم، يمضي في سبيله ولا يبالي بما يلقى، فبصره وفكره متعلق بما هو أسمى وأبقى. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ويقول تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أما حلاوتهم في سبح الدنيا وكدها وكدحها فتلك عندهم حلاوة إيمانية تملأ الجوانح بأقدار الله في الحياة، اطمئنان بما تجري به المقادير، رضا يسكن في الخواتر، فيقبل المؤمن على دنياه مطمئنا هانئا سعيدا رضيا مهما اختلفت عليه الظروف وتقلبت به الأحوال والصروف، ولا ييأس على ما فات ولا يفرح بطرا بما حصل. إيمان ورضا بتوكل وثبات، يعتبر بما مضى ويحتاط للمستقبل ويأخذ بالأسباب، ولا يتسخط على قضاء الله ولا يتقاعس على عن العمل، يستفغر جهده في من غير قلق. شعاره ودثاره قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. موقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لو اجتمع أهل الأرض والسماوات على نفعه بغير ما كتب له فلن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على منعه مما قدر له فلن يبلغوا. ولا يهلك نفسه تحسرا ولا يستسلم للخيبة والخذلان. معاذ الله أن يتلمس الطمأنينة في القعود والذلة والتخاذل والكسل، بل كل مسارات الحياة ومسالكها عنده عمل وبلاء وخير وعدل وميدان شريف للمسابقات الشريفة، جهاد ومجاهدة في رباطة جأش وتوكل وصبر. ظروف الحياة وابتلاءاتها لا تكدر له صفاء ولا تزعزع له صبرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. بالإيمان الراسخ يتحرر المؤمن من الخوف والجبن والجزع والضجر. يقول تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يقول تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، وربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. حلاوة ورضا تقوم في حياة الكفاح على هذه الأصول والمبادئ: إذا أعطي تقبل وشكر، وإذا منع رضي وصبر، وإذا أمر تمر، وإذا نهي ازدجر، وإذا أذنب استغفر. بهذا الإيمان وبهذا المذاق ينفك المؤمن من رقة الهوى ونزعات النفس الأمارة بالسوء وهمزات الشياطين وفتن الدنيا بنسائها ومالها وقناطيرها ومراكبها وسائر مشتهياتها وزينتها. سعادة وحلاوة ملء القناعة، سعادة وحلاوة يتباعد بها عن الشح والتقطر والتقطير والبخل والإمساك، وينطلق في معاني الكرم والإيثار والعطاء. إن في حلاوة الإيمان ترطيبا لجفاف المادة الطاغية، وحدا من غلواء الجشع والجزع، وغرسا لخلال البر والرحمة، ومن ثم تتنزل السكينة على القلوب وتغشى الرحمة النفوس. يقول تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. عباد الله، من ضعف إيمانه يضج من البلاء لأنه لا يعرف المبتلي، ويخاف السفر لأنه لا زاد له، ويضل الطريق لأنه لا دليل معه. فيا لخسارة المستوحشين، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن فقد الإيمان انفرط أمره وانحل عقده، يقول ويفعل من غير رقيب، ويسير في دنياه من غير حسيب. سيرته متبوعة بطابع الأثرة والأنانية، معدوم الثقة بنفسه وبالناس، يحل التدابر عنده محل التراحم، والتفرق محل التعاون. بغير الإيمان وحلاوة الإيمان يعود الناس وحوشا ضارية، يقطعون حبالهم مع الله ومع الناس. انقادوا لنفوسهم الأمارة بالسوء، واجتالتهم شياطين الإنس والجن. والحضارة المعاصرة بماديتها المغرقة وتقانيتها الجافة خير شاهد على أن السعادة والحلاوة لا تحققها شهوات الدنيا ولا ماديتها. لا ترى المرء فيها إلا منهوما لا يشبع، وشهواته المستعرة ورغباته المتشبعة، يجره الحرص على الخصام فيشقى ويشقي، ويغرس العداوة والعدوان حينما حل وارتحل. لقد أورثهم حياتهم هذه أمراضا نفسية واضطرابات اجتماعية وتقلبات فكرية، كان مفزعهم إلى المخدرات والمهدئات والعيادات النفسية والعلاجات العصبية. يقول تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول تعالى: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Serviteurs d'Allah, rapprochez-vous. Taqarrabu, barakallahu fikum. Taqarrabu. Tafassahu, yafsahillahu lakum. Remplissez les vides devant vous et les espaces pour faire de la place pour vos frères qui sont arrivés. Serviteurs d'Allah, craignez Allah. Cette preuve de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la piété, la taqwa, c'est la meilleure provision pour l'au-delà. C'est la meilleure préparation que quelqu'un peut préparer pour le jour de la résurrection. Il n'y a rien de mieux que la piété. Alors, faites preuve de piété envers Allah. Faites ce qu'il vous ordonne et écartez-vous de ce qu'il vous a interdit, là où que vous soyez. Et faites et remplissez le devoir pour lequel il vous a créé, c'est-à-dire pour l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et il dit également ce qui signifie « Avez-vous pensé que nous vous avons créé yani abathan, sans raison, sans but, sans sagesse, et que vous ne reviendrez pas vers nous. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour une grande sagesse et une grande raison. Il nous a créés pour que nous l'adorions. Il nous a créés pour nous éprouver. Et donc le croyant, il avance dans cette vie et il voit clair, il vit et dans son cœur, il y a une lumière et un bonheur. Il est en sécurité dans sa foi et dans sa vie. Tandis qu'il y a d'autres parmi les hommes qui vivent dans les ténèbres, qui vivent dans l'ignorance, qui vivent dans l'égarement, qui vivent dans la crainte et dans la peur, dans l'ignorance et l'insécurité. Et la différence entre ces deux groupes, c'est la différence qui est établie par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en particulier par la douceur de la foi. Parce que la foi, elle a un goût. La foi, elle a une douceur. La foi, elle a une saveur. Et pour goûter à la douceur de la foi, il y a certaines choses à respecter. Il y a certaines conditions qui ont été mentionnées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exemple de ça, c'est ce qu'il a mentionné dans le hadith. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. C'est-à-dire que celui qui a été satisfait d'Allah comme étant son Seigneur et qui a été satisfait de l'islam comme étant sa religion et qui a été satisfait du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager, il a goûté à la douceur de la foi, il a goûté à la saveur de la foi. La saveur de la foi, c'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est quelque chose qui est dans le cœur que seul le vrai croyant peut savourer. Que seul le vrai mu'min peut déguster. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois caractéristiques. Celui qui les possède, il aura goûté à la douceur de la foi. Et la première caractéristique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il a dit que c'est que Allah et son messager, eh bien, il les aime plus que toute autre chose au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au monde qu'il préfère et qu'il aime plus que Allah subhanahu wa ta'ala est son messager. Donc lequel d'entre nous a respecté cette première caractéristique? Lequel d'entre nous est capable de dire que de tout ce qui existe dans la création, hein, et de tout ce qui existe au monde, ce qu'il aime le plus, c'est Allah et son messager? Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. C'est-à-dire que il aime une personne, hein, mais il ne l'aime que pour Allah. Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un pour Allah? Ça veut dire que cette personne, tu l'aimes uniquement par rapport à l'agrément d'Allah. Tu l'aimes parce qu'il te rappelle d'Allah. Tu l'aimes parce qu'il t'aide à te rapprocher d'Allah. Tu l'aimes parce qu'il t'invite au bien. Tu l'aimes parce qu'il t'ordonne le bien. Tu l'aimes parce qu'il t'interdit le mal. Tu l'aimes parce qu'il t'incite à faire tout ce que Allah aime. Et tu l'aimes parce qu'il t'interdit de faire tout ce que Allah déteste. Tu l'aimes parce qu'il t'appelle et il te conseille à faire ce qui est bénéfique pour toi dans ta vie d'ici-bas et dans ton au-delà. Tu l'aimes pour Allah seulement. Tu ne l'aimes pas pour son portefeuille. Tu ne l'aimes pas pour qu'est-ce qu'il a de bien de la vie d'ici-bas. Tu ne l'aimes pas pour un intérêt quelconque qu'il peut te procurer ou parce qu'il peut t'aider dans quelque chose que tu as besoin dans la vie d'ici-bas. Tu l'aimes uniquement pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'aimes uniquement parce qu'il t'aide à te rapprocher du paradis et parce qu'il t'éloigne de l'enfer. Et tu ne l'aimes pour rien d'autre que pour ça. Lequel d'entre nous est capable de dire qu'il aime quelqu'un de cette façon-là? Qu'il aime quelqu'un uniquement pour Allah seul et pour rien d'autre? Ça, c'est la deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique de celui qui a goûté à la douceur de la foi, c'est celui qui déteste retourner à la mécréance comme il détesterait qu'on le jette dans l'enfer. Il déteste retourner à la mécréance comme il déteste retourner en enfer parce qu'il sait que la mécréance, il n'y a rien de plus dangereux, il n'y a rien de plus grave. Et en réalité, c'est équivalent à être en enfer puisque il vit l'enfer dans cette vie d'ici-bas, avant l'au-delà, à cause des malheurs qu'il vit à l'intérieur de lui-même. Et c'est le feu de l'enfer qui l'attend dans l'au-delà, de toute façon. Et donc, celui qui a ces caractéristiques, il a goûté à la douceur de la foi. Et donc, ça, c'est une grande distinction, une grande différence. Et c'est pour cette raison, vous voyez que dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment il nous a enseigné de vivre, comment le croyant regarde la vie, et comment il pense lorsqu'il observe et qu'il pense à son existence, quand il pense à tous les aspects de l'existence et tous les aspects de la vie sur terre, il regarde la vie avec le regard d'un croyant, avec le regard de la foi. Il observe tout ce qu'il fait, chaque parole qu'il dit, chaque action qu'il fait par rapport à sa foi, par rapport à sa religion, par rapport à l'agrément d'Allah, par rapport à la satisfaction de son créateur. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith, il a dit que cette dunya, cette vie d'ici-bas, c'est un paradis pour les mécréants. Jannatul kafir. Et il a dit que c'est une prison pour le croyant. Sijnul mu'min. Sijnul mu'min. Sijnul mu'min, ça veut dire la prison pour le croyant. Est-ce que le prisonnier, d'habitude, il est heureux d'être en prison? En général, les prisonniers ne sont pas heureux d'être en prison. Mais le mu'min, dans cette prison, dans cette vie d'ici-bas, il a goûté à la douceur de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, cette prison, il est heureux dedans. Il est satisfait par cette prison parce que ce n'est pas une prison qui l'enferme. C'est une prison qui le protège. Qui le protège du kufr, qui le protège du shirk, qui le protège de l'égarement, qui le protège de ses désirs, de ses passions, qui le protège du shaitan. Hein? Et donc, c'est pas comme celui, par exemple, qui a une foi faible, qui voit pas la vie comme un croyant. Alors, quand il pense à la dunya, il dit, ah, moi je suis musulman, c'est dommage, je peux pas me permettre de faire ci, de faire ça. Hein? Je peux pas boire de l'alcool, je peux pas aller avec les femmes, je peux pas sortir dans les discothèques, je peux pas avoir des copines, je peux pas faire le riba, je peux pas acheter des maisons, je peux pas manger du porc, je peux pas manger n'importe quoi. Il regarde ça et il est triste et il est malheureux. Hein? La femme musulmane qui dit, oh, mais je peux pas sortir, me montrer mon corps, enlever mon voile, je suis misérable. La femme qui pense comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas compris la réalité de la foi. Elle n'a pas goûté à la douceur de la foi. La différence, c'est le mu'min avec sa foi. Toutes ces choses-là, il les voit d'une autre façon. Il dit, Alhamdulillah, que Allah m'a préservé de toutes ces choses qui m'amènent à ma perte, de toutes ces choses qui me rendent plus malheureux. Hein? Ces choses-là que les koufars appellent la liberté et qui pensent que c'est là-dedans qu'il y a le bonheur, eh bien, c'est là, en réalité, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire puisque c'est ce qui les rend de plus en plus malheureux dans leur vie. Et c'est pourquoi ils courent, hein, pour toutes sortes de distractions. Ils ont toutes les femmes qu'ils veulent. Ils boivent de l'alcool, hein, ils peuvent sortir dans les discothèques, suivre leurs désirs et leurs passions. Est-ce qu'ils sont plus heureux à cause de ça? Et pourquoi ils se suicident? Et pourquoi ils prennent de la drogue? Et pourquoi ils prennent de l'alcool? Et pourquoi ils vivent dans la débauche et dans l'égarement? Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas heureux à l'intérieur d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'iman. Ils n'ont pas goûté à la douceur de la foi. Donc le mu'min, il regarde ça. Et la femme musulmane, la même chose. Elle se voile et elle est heureuse de se voiler parce qu'elle sait qu'est-ce que ça représente pour elle. C'est son salut, c'est son honneur, c'est sa pudeur, c'est sa modestie, c'est ce qui la rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa piété. C'est pas un signe d'assujettissement à l'homme et de soumission à l'homme comme les koufars essaient de l'interpréter. Nous, on ne laisse pas les koufars interpréter pour nous la signification de la foi et la signification de la religion. Ce n'est pas à eux de déterminer ce que signifie pour nous l'islam. C'est à nous de comprendre ce que notre religion signifie et qu'est-ce qu'elle représente pour nous. Par rapport à ce que Allah a dit dans le Coran et par rapport à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna authentique et par rapport à l'exemple des sahaba radiyallahu anhum. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Il a goûté à la douceur de la foi. Celui qui a été satisfait d'Allah comme étant son Seigneur. Et ça implique qu'il est satisfait de toutes ses ordres, de toutes ses lois, de toute sa révélation, de tout ce qui est dans le Coran. Et qui est satisfait de l'islam comme étant sa religion. Ça veut dire qu'il est satisfait de tout ce qui est dans la charia, du début jusqu'à la fin. Il ne s'oppose pas à une seule lettre dans le Coran et à une seule parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est satisfait du messager d'Allah comme étant son messager. C'est ça la différence. C'est ça qui fait qu'il a goûté à la douceur de la foi parce qu'il est satisfait de tout cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des croyants qui sont satisfaits d'Allah et de sa religion et de son messager. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت